بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زال الحديث متواصلا مع العدو المبين وأساليبه في حرب ابن آدم، وتكلمنا عن الأسباب التي تجعل الشيطان يدخل في الإنسان، وكيف تكون الرقية الشرعية، وأن المريض يجب عليه أن يقرأ على نفسه القرآن والرقى، وأن يستمع إلى القرآن، وأن يدعو بالأدعية المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه مما ابتلي به. نوفان الله عز وجل نكونتينيو أبغلي دو سجي لا توجور رابور avec l'ennemi déclaré pour la descendance d'Adam. Et nous avons vu les moyens et les armes qu'utilise Shaitan dans le combat qu'il fait à la descendance d'Adam. Nous avons parlé aussi des moyens et des causes qui font, surtout des causes qui font que Shaitan pénètre le corps d'une personne et le possède. Et nous avons vu comment doit être là l'incantation légiférée, c'est-à-dire Ruqya, comment il doit se faire. Ça doit se faire avec la lecture du Coran et avec les doigts du prophète alayhi salam, et que tout un malade peut se faire ruqya lui-même, lire le Coran sur lui-même, faire les doigts du prophète alayhi salam, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir et de le débarrasser de cette épreuve et de le débarrasser de la sorcellerie s'il est atteint, et toujours s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa l'insan idha dhahaba ila raqi فعليه أن يختار من لا يزيد على الرقية، وأن يختار أهل الصلاح وأهل طاعة لله ولرسوله. حتى الإنسان إذا ذهب عند شخص لكي يرقيه يشوف أهل الصلاح الناس اللي ترقوا بالسنة بالكتاب والسنة، ما يقلبش على السحرة وما يقلب على الكهنة. هو سيلة فيما كنت الشخص كلكان لو يفعل الرقية الشخص كلكان دو فيرتيو quelqu'un que quand il va lui faire ruqya, sa ruqya va être selon le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Il ne va pas utiliser des choses qui ne sont pas légiférées dans la religion d'Allah azza wa jal. Wa lam yakun min amal as-salaf aw min fi manhaj as-salaf an yattakhidhu ar-ruqya wadhifa kama nasma' al-yawm, iyadat fulan fulan al-iyada dialo w kada w khassak tqbel ar-rendez-vous lhada. Fa salaf al-umma ma kanach ya'rfu hada al-qadiya hadi. بأن يكون واحد مختص حل العيادة حل الدار ديالو الرقية، هذا أمر محدث. الرقية ما هي وظيفة؟ الرقية تعين أخاك في الله، فما ليس لها اختصاصات. هذا مختص في الرقية، من أين أتي هذا؟ منين جبنا بهذا الشيء هذا؟ دوك سي لي بيزير دو الله نو كونيسي با كو دي جون ريزيرف لوغ في يفون كوم ميتيي الرقية. ها سي امبوسيبل، دو سا فيان؟ Est-ce que Abou Bakr l'a fait ou l'Outman ou l'autre? Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, tu vois, certains, ils ouvrent une clinique d'Ar-Ruqya. Hein? Avec des tarifs, rendez-vous, etc., etc. Ceci, après l'islam, c'est quelque chose d'innové dans la religion d'Allah, Azza wa Jal. Et puis, dans les cas, tu vois l'insan, il y a 10 malades dans une seule fois. Et tous, ils font une ruqya seule. Comment? كلهم حطهم قدامه عشرات الناس ولا عشرات العيالات ولا مخلطين كلهم ستفين قدامه كلهم تيرقيهم في مرة واحدة. سبحان الله، كيف هذا الشيء؟ هذا ولا البيع والشراء، هذه ولا التجارة في عباد الله، هذه ولا التجارة البيع والشراء في الناس. دي فوا يجي كوني سيختان ايسي ها يلزالين دي بيرسون دي فوا دي فام اي دي غارسون اي دي جون يلزالين يلوغ في الرقية دان سولكو Ceci, c'est plus ruqya, c'est plus rendre service aux gens. Ça devient un commerce maintenant. Ça devient la quantité pour avoir plus d'argent. Et ceci, ça ne fait pas partie d'eux. Ce n'est pas un acte qui était sur lequel étaient nos puiseurs d'Allah alayhim. هذا لم يكن عليه سلف الأمة ولا أئمة الدين وبعضهم يخلو بالنساء فلا حق لك أخ الإسلام أن تخلو بالنساء وأنت أيها الأخ لا حق لك أن تترك امرأتك وأختك أو أمك مع راق وحداهما لا يجوز هذا certains restent face à face à la fille à lui faire ruqya t'as pas le droit أخ الإسلام et toi en tant que mari t'as pas le droit de laisser ta femme toute seule avec un homme. Et ou toi en tant que frère, tu n'as pas le droit de laisser ta soeur toute seule avec un raqi, même si celui-là est le Coran. Tu n'as pas le droit. Hein? Ce n'est pas un acte légiféré d'agir ainsi. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من هو إمام أهل السنة والجماعة بحق يقرأ على المشروع فيشفى بإذن الله عز وجل وما سمع عن الإمام أحمد ولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم فتحوا عيادة للمرضى للمصروعين الإمام أحمد هذا وشيخ الإسلام ابن تيمية كانوا تيجيهم ليطلب منهم الرقية كانوا تيرقوا وتيقرأوا بالقرآن وبالسنة وطلبوا الله سبحانه وتعالى بيتشفى المريض بإذن الله تيتشفى ولكن توحد فيهم ما فتح عيادة للمصروعين والمجانين L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala ainsi que Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, des gens leur demandaient de leur faire ruqya, de leur lire sur eux. Et ils lisaient, ils leur faisaient des du'a, et bi'idnillah azza wa jal, les personnes guérissaient. Mais jamais on a entendu que l'imam Ahmed, ni Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, ont ouvert une clinique spéciale pour les posséder. Cela te prouve que ça, si ceux-là ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que c'est une innovation. Ida kana haoula il khiya. وهم أئمة الدين لم يفعلوا ذلك فهذا يدلك على أن هذا الأمر بدعة كذلك على الشباب وعلى الرجال وعلى النساء أن يتحصنوا بالقرآن قراءة القرآن أذكار سماع القرآن إذا ما كنت لا تحسن القراءة فعلى الأقل تسمع القرآن تسمع القرآن في السيارة ديالك تسمع القرآن في الدار ديالك لما تسمع القرآن الآن الخير موجود والحمد لله وعلى كذلك الشباب أن يتفقهوا في دين الله ونحفظ شيئا من كتاب الله ونحفظ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي ابتلي بالجن يقرأ يرقي نفسه أو يذهب إلى من هو رجل صالح يرقيه بالقرآن وإذا ابتلي فليصبر فليصبر كذلك يقوم في الليل ويصلي لله سبحانه وتعالى ويدعو أن يشافي يوم ما ابتلي به وصفنا الله عز وجل ذلك Les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, les femmes et les hommes aussi doivent écouter le Coran, beaucoup. Dans ta voiture, tu mets, maintenant les situations sont faciles, tu mets le Baqara, tu mets des lectures, tu as beaucoup de bonnes lectures à écouter au lieu d'écouter n'importe quoi dans ta voiture, pour aller au chantier, pour aller au travail, pour revenir du travail, tu mets le Coran à la maison, la même chose. Les mamans doivent faire de même, les sœurs doivent faire de même. Et les jeunes, vous devez apprendre votre religion et mémoriser un peu mieux le Coran. Comme ça, si vous êtes atteint par quelque chose, vous faites ruqya vous-même, en lisant le Coran sur vous-même, en lisant le Coran sur vos femmes, vos enfants, vos mères, vos pères. Et apprendre un peu de la sunna du prophète, et comprendre sa religion. Et quand on est prouvé par la possession d'Yel Jinn, on patiente, on endure, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous délivrer, on fait des prières de nuit, et on se fait sa ruqya, selon la sunna et selon le livre d'Allah Azza wa Jal, pas courir c'est les charlatans. Fala yajuz an la kulla marran qatan jiru rash wa fat wa rashara wa kana. Fahada la yajuz fi din Allah Azza wa Jal. Fa ala al muslim ya akh al islam wa ala al mu'min an yatasallah bil islam bil silah al imani. Al silah al imani alladhi sayqika bi idni Allah Azza wa Jal min al shaytan yajib an tatasallah bih wa an tatahassana بكل حصن دلك عليه الكتاب والسنة لتنجو من هذا الشيطان لتخرج من هذه الدنيا على الإيمان أي طريقة باش يمكن لك تحصن نفسك من الشيطان الإيمان وتحقيق التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوم بهذاك الشيء اللي بغى منك الله وبغى منك الرسول صلى الله عليه وسلم وفق الطريقة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الناجي لك هذا الذي سينجيك بإذن الله عز وجل من الشيطان. Donc, il est de notre devoir, frère en Allah, عز وجل, d'avoir une armure, de se donner une armure pour se protéger du shaitan. Cette armure, c'est la foi en Allah Azza wa Jal. Accomplir le monothéisme. Réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre son messager alayhi salatu wasalam. Utiliser les du'as qui sont dans la sunna. Et agir conformément au livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. C'est avec ça, inshallah, qu'on va se protéger min al-shaytan. Dans ce bas monde. Et on va sortir de ce bas monde, hein, avec notre foi, inshallah. فمن الأسلحة التي تقيق الشيطان أولا إخلاص العبادة لله أول سلاح لك يا عبد الله ينشيك من الشيطان بإذن الله وأن تكون في أعمالك مخلصا لله عز وجل فإن الله عز وجل la première des armes avec laquelle tu vas te protéger من الشيطان qui va te permettre de donner une citadelle pour te protéger من الشيطان c'est d'accomplir les actes sincèrement pour Allah عز وجل tout ce que tu le fais sincèrement pour Allah الإخلاص لله عز وجل في كل شيء سلاح فتاك ما بعده سلاح سلاح عظيم وحصن حصين تدخل فيه يا عبد الله ولا يستطيع الشيطان لك شيئا أبدا لا يستطيع لك شيئا ولا يستطيع أن يصل إليه إذا أخلصت أعمالك لله وأخلصت عبادتك لله وأخلصت أقوالك وأفعالك لله أنت دخلت في برج لا يستطيع الشيطان أن يدخل عليك بإذن الله عز وجل فإن الله عز وجل la sincérité c'est une arme fatale contre le shaitan c'est une citadelle imprenable tes actes tes paroles tout ce que tu fais tout ce que tu délaisses tu le fais sincèrement pour Allah tu es dans une citadelle imprenable shaitan il ne peut rien pour toi par l'ordre d'Allah عز وجل والشيطان يعترف بذلك الشيطان تعرف بأنه بالإخلاص ما يمكن من تحت هو تعترف به فما بالك إذا كان هو تعترف بالسلاح لتقتله قال الله عز وجل شوف عاطف الفور إجلي باسكو هذا تي ليكو قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لماذا مخلصين هؤلاء هؤلاء إخلصهم الله بلاش بالإيمان والعمل الصالح فهؤلاء المخلصين ما تستطع عليهم الشيطان والو قال اقسم بالله بانه غادي يديهم كلهم غادي ينحرف بهم كلهم غادي يضلهم كلهم وغادي يزيد لهم المفاسد ديال الدنيا والشر في الدنيا سي بون ها الا عبادك منهم المخلصين اخلصوا في ايمانهم لله اخلصوا في اعمالهم لله قاموا بالاعمال وفق الكتاب والسنه وكانت اعمالهم واقوالهم لله سبحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان ابدا ان يصل اليهم باذن الله عز وجل هذا اعتراف اللعين هو يعترفها دونك lui même frère en Allah عز وجل il reconnaît qu'il ne peut rien contre les sincères et contre ceux qui œuvrent sincèrement pour Allah عز وجل il a dit comme il est cité dans le Coran souverain il a dit ô souverain comme tu m'as égaré je vais leur embellir tout ce qu'il y a sur terre c'est-à-dire tout le mal qu'il y a sur terre Et je vais les égarer tous, sauf tes serviteurs sincères. Tous, cette élite, à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la foi, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces personnes accomplissent les actes sincèrement pour Allah, azza wa jal, font des bonnes œuvres pour Allah. Et suivant la sunna de Muhammad alayhi sallam, ceux-là, ils ne peuvent rien pour eux. Lui-même, il le reconnaît. Ça veut dire que la sincérité, c'est une arme fatale contre le shaitan. هذا يتبين لك أخي الإسلام أن إخلاصك لله سلاح فتاك ضد هذا العدو فعلينا أن نخلص العبادة لله ويكون لنا حفظ من ربنا عز وجل donc ça veut dire que il faut qu'on fasse nos actes sincèrement pour Allah عز وجل dans ces cas-là nous allons être protégés بإذن الله عز وجل ولكن من هو ما هو الإخلاص ومن هو المخلص أشنا هو الإخلاص وأشنا هو المخلص بالدرجة ديالتنا أشنا هو الإخلاص سهل هذه عبره ديال الشعير هذه عبره ديال القمح ومخلطين بغيتي الشعير بوحدو وبغيتي القمح بوحدو اش دير ليه تتخلص هذا من هذا تصفيه هذا دابا فهمتي اه الدارجه ديالتنا عندنا الشعير وعندنا القمح ومخلطين انا بغيت الشعير بوحدو وبغيت القمح بوحدو نقيت الشعير خرجته بوحدو ونقيت القمح خرجته بوحدو هذا الاخلاص خلصتي الشيء رجعتيه صافي بوحدو باين هذا الاخلاص فكذلك ديك الاعمال تديرها كيفاش كلها لله، ما فيهاش شي حاجة. ماشي باش يقولوا الناس فلان تيتكلم مزيان، فلان تيقرا مزيان، فلان تيعطي ديما وقت ما خاصة الجماعة الفلوس يعطيها فلان. لا، كل شيء داك شيء تضرب عليه. ها دونك سي كوا لا سانسيريتي؟ سي كي سون لي سانسير؟ لا سانسيريتي سي سامبل، اون فا بارلي ان لونغاج تيغ ا تيغ كوم سا، سا فا ايت كلير سكو سي كو لا سانسيريتي. Tu as une certaine quantité de blé devant toi et une certaine quantité de d'orge devant toi. Ils sont mélangés. Et maintenant, tu veux la quantité de blé toute seule et la quantité d'orge toute seule. Tu ne les sépares. Comment tu fais? Tu sépares graine par graine. Et une fois que tu arrives à voir le blé tout seul et l'orge tout seul, ça veut dire que là, tu l'as purifié. Tu l'as nettoyé. Il est resté unique et pur. C'est ça la sincérité. Ça veut dire que tu es tes actes doivent être faits exclusivement pour Allah. Il n'y a pas de tentation dedans, ni de tentation dedans. Tu veux avec la face d'Allah. Quand tu pries, pas pour que les gens disent que tu pries. Quand tu viens à la mosquée, pas pour que les gens disent que tu viens à la mosquée. Quand tu aides dans les œuvres de charité, quand tu aides pour que tout se passe bien dans la mosquée, etc. Quand tu parles, quand tu fais un cours, quand tu pries, etc. Tout tu le fais pour Allah. Et qu'il n'y a rien pour quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La même chose, pour avoir le miel, comment tu fais? Il faut bien le séparer de la cire. Donc le fait, cette opération, c'est purifier. C'est ça la sincérité. Purifier les actes. Kadalika, باش تعاود تفهم مزيان العسل ملي تيكون مع الشمع ديالو الا بغيتيه بوحدو خاصك تخلصو منه. فذاك العصير اللي تديرو تتخلي العسل بوحدو والشمع يخرج بوحدو، هذاك هو الاخلاص، هو تخلص الامر، تتردو خالص. هذا تتلقى على على على على, على, على, على الباكياش مكتوب فيها عسل خالص، اي منقي من الشمع. ها فالاخلاص هو ان يصدق العبد في نيته وفي عمله مع الله. تكون الانسان صادق في النيه ديالته مع الله في السر وفي العلن، كي تكون قدام الناس كي تكون بوحدك يتقاد هذاك الشيء. ماشي قدام الناس كلام ورا الناس كلام اخر، لا، كيف قدام الناس وكيف ورا الناس، كيف كيف عندك سوا، تيشوفوا فيك الناس ولا ما تيشوفوا فيك انت، الاعمال ديالك تتكون كيف كيف، تتكون مقاده. Donc la sincérité, frère, en Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'être véridique avec Allah Azza wa Jal. Dans tes intentions, dans tes actes, dans ce que tu dis, dans ce que tu délaisses. Et que tes actes, que tu sois en public ou là en privé, ce soit identique. Ce soit identique dans tout ce que tu fais, tout ce que tu délaisses, que ce soit en public ou là en privé. Ou là quand tu es tout seul. Fais ce jeu du kalillah. زكاتك لله صيامك لله كل شيء تفعله لله عز وجل. Donc ça veut dire ta prière, tes prosternations, le fait de donner, le fait de ne pas donner, tout doit être pour Allah عز وجل. قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة ديالك خاصها تكون لله، الذبيحة ديالك خاصها تكون لله، الحج ديالك خاصو يكون لله، الحياة ديالك كلها خاصك تقوم بها بما أراد الله وتموت على داكشي اللي بغاك الله سبحانه وتعالى، وتكون من الموحدين ومسلمين الأمر ديالهم لله سبحانه وتعالى. Il dit dans le verset 10 ma prière mérite que ce soit mon sacrifice, mérite de pèlerinage, mon rite de sacrifice, etc. Ma vie, ma mort sont pour Allah le souverain du monde. Il n'a pas d'associé. Et je suis parmi le premier sunni. C'est-à-dire que ta prière qu'il doit être pour Allah Azza wa Jal. Tout acte d'adoration que tu fais, sacrifice, ou quand tu fais ton pèlerinage, les actes que tu fais pendant ton pèlerinage, tout ça doit être fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Ta vie doit s'accomplir dans l'obéissance à Allah et pour Allah. Et tu dois mourir à la fin de ta vie sur la soumission et sur le monothéisme. Hein? والمخلص من هو المخلص؟ إذا كان هذا هو الإخلاص فالمخلص من هو؟ المخلص هو الذي يتوجه بقلبه وعمله إلى الله، الذي يريد بعمله وجه الله عز وجل، يريد الدار الآخرة، يريد الفوز العظيم، لأن الإخلاص حصن حصين من كيد الشياطين، وكذلك الإخلاص ينجي الإنسان من شدائد الدنيا ومن هول الآخرة. ينجي الإنسان من شدائد الدنيا ومن هول الآخرة. إذنك هذا المخلص لك الإخلاص، شكون هو المخلص؟ هذا اللي كل حاجة يديرها لله وتيخاف من الله، وكل حاجة يديرها والتي تتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، وتتمنى الأجر من الله سبحانه وتعالى، وتيخاف العقاب ديال الله سبحانه وتعالى. والإخلاص كتعرف أخا الإسلام أنه بحال اللي دخلتي لشي برج تخبيتي فيه من العدو. والإخلاص تنزل الإنسان من الشدائد ديال الدنيا قبل من الشدائد ديال الآخرة، وتنجيب من الأهوال ديال الآخرة اللي هي أكثر من الشدائد ديال الدنيا. كي لو سانسيغ مانتنون، لو سانسيغ فيغ اون الله عز وجل، سي سولوي كي اوريونت سون كور فيغ الله عز وجل. Ses actes, ses paroles, ses pensées sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut par ses actes la face d'Allah, la récompense min Allah azza wa jal. Il veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache frère en Allah azza wa jal que la sincérité c'est une citadelle imprenable dans laquelle quand il rentre, shaitan il ne peut rien pour toi bi'idhnillah azza wa jal. Et la sincérité aussi frère en Allah azza wa jal te délivre de la souffrance de ce bas monde et des inquiétudes de ce bas monde et des moments, et te délivre au moment le plus difficile, tu auras une issue par la sincérité que tu as. Et aussi ça te délivre au moment le plus difficile, le jour de la résurrection, ta sincérité te servira à ce moment-là. Donc la sincérité nous sert dans ce bas monde et dans le delà. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في شدة فتنة امرأة العزيز معه عندما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته عن نفسه، وهي امرأة من؟ امرأة فرعون ذلك الزمان، وهي سيدته، وقال معاذ الله معاذ الله، فكان من المخلصين لله سبحانه وتعالى، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. أخلص لله فخلصه الله سبحانه وتعالى من كيد امرأة العزيز ومن كيد نسوة المدينة. باش نفعو الإخلاص ديالو لله عز وجل وأنه كان يخاف الله. فهي في القصر ديالها وسدت البيبان وهي الحاكمة، فخاف الله عز وجل فخلصه الله سبحانه وتعالى. Écoute frère en Allah Azza wa Jal, voici un exemple dont les prophètes alayhi salatu wa sallam, Youssouf alayhi salatu wa sallam. Il était dans la maison du pharaon, l'Aziz, et la femme de ce pharaon le voulait. Il voulait commettre l'adultère avec lui. Lui, il a peur d'Allah. Elle, il a fermé les portes, il n'y a personne. C'est elle la femme du pouvoir. C'est elle le pouvoir. Et pourtant, il a dit, je crains Allah. Sa sincérité l'a sauvé de la femme d'El Aziz, et sa sincérité l'a sauvé aussi des ruses et des manigances des femmes de la ville. Et sa sincérité l'a élevé chez le roi après. Et il était le gardien de la trésorerie après. Et madame, la sincérité. هذا إخلاص يوسف عليه الصلاة والسلام حتى أخرجه من السجن وكذلك ماذا جعل على خزائن الأرض. هو اللي كيتصرف في الاقتصاد ديال الدولة. لماذا؟ إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فكذلك الثلاثة الذين دخلوا الغار وانحدرت عليهم الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ولا يمكن أن يخرجوا. ما الذي نجاهم من من من من ذلك؟ ما الذي أخرجهم من ذلك؟ صالح أعمالهم، أعمال جعلوها فعلوها خالصة لله سبحانه وتعالى، قاموا بها بإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده. فاستجاب الله لهم الدعاء ففرج عنهم. واحد كان يبر والديه لله عز وجل، الآخر ترك أن يزني بابنة عمه لله خوفا من الله عز وجل، والآخر رد الحقوق لصاحبها خوفا من الله وإخلاصا لله. فكان أن فرج الله سبحانه وتعالى عليهم وخرجوا من الغار، كان أن يهلكوا فيه. ولكن ما الذي أنقذهم في الدنيا؟ في هذه الدنيا قبل الآخرة أنقذهم إخلاصهم لله. On Allah Azza wa Jal aussi. Les trois qui se sont fait coincer dans cette grotte, hein, ils allaient y périr. Et qu'est-ce qui les a sauvés de là? Leurs actes faits sincèrement pour Allah Azza wa Jal. L'un était dévoué pour ses parents, obéissant à ses parents. Et quand il a fait dua à Allah, si je suis dévoué à mes parents sincèrement pour toi, ya Allah, délivre-nous. Le deuxième a délaissé le fait de commettre un acte d'adultère avec sa cousine, pour Allah Azza wa Jal, et par peur d'Allah Azza wa Jal, quand il a fait la demande, aussi, la pierre, hein, il y a eu une petite issue, mais il ne pouvait pas sortir. Et le troisième, a préservé les droits des autres, sincèrement pour Allah, et par crainte d'Allah Azza wa Jal, ça a fait qu'à la fin, quand chacun a fait le dua avec son acte qu'il a fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, la grotte, la caillasse qui était devant, que personne ne pouvait faire bouger, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dégager, ils ont pu sortir. Qu'est-ce qui les a sauvés dans ce bas monde? La sincérité. Ces actes faits sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Kadalika, l'an Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ikhlas al-ibadati lillah. Fal-ikhlas amruhu amrun azim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا أمر الله أن تخلص العبادة لله. فأمر الله لا بد أن نأتي به، لا بد أن نأتي به. زكاتنا، صلاتنا، كل ما نفعل ونظر أن نقوم به لله عز وجل خالصا، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. C'est pour ça, frère en Allah, Azzawajallah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné la sincérité à ses serviteurs. Il est dit dans le verset, il leur a été ordonné d'accomplir la religion sincèrement pour Allah Azzawajal, et qu'ils soient monothéistes dans leur religion, et qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat. Et ça, c'est la religion droite. Le fait d'accomplir tout ce que nous devons accomplir pour Allah Azzawajal, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأمر الله ورسوله كذلك بالإخلاص. هذا نبي الله ورسوله وإمام المخلص يؤمر بالإخلاص. إنا إنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. محمد عليه الصلاة والسلام إمام المخلصين وإمام المتقين وسيد ولد آدم، ونزل في حقه قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا تدل على إيش؟ لك الأمر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمر عظيم، يجب علينا أن نحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل شيء. إذن voici aussi pour te montrer l'importance de la sincérité, que c'est une arme exceptionnelle, une citadelle de protection assez particulière. C'est qu'au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on a reçu l'ordre aussi. Il est dit dans le verset, nous t'avons descendu le livre avec la vérité, adore Allah uniquement et sois sincère dans la religion pour Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam était l'imam de ceux qui accomplissent les actes sincèrement pour Allah. Était l'imam de ceux qui préservent les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur de la descendance d'Adam. Et pourtant il reçoit cet ordre. Ça te prouve quoi? Ça te prouve qu'il est très important, qu'il est obligatoire pour nous d'accomplir nos actes sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Wa Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam rabba ashabahu ala al-ikhlas. Faqala li ibn Abbas yawman wa huwa yu'allimuhu. Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Hada ti'allim dirs saghir. Baqi ghulam saghir. حنا الا بغيتي تعلم الدراسات بالكلمات كثروا عليهم، عندهم الماط، عندهم كذا، ايوا هم اللي تيتربصوا تيتخبطوا في الظلمات اش نديروا. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غلام صغير يقول لي نعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، اي احفظ واجبات الله، قم بما اوجب الله عليك، الله سبحانه وتعالى يحفظك، احفظ الله تجده امامك، احفظ ما امرك به الله. إذا عندما تكون محتاجا لتأييد الله ولنصرة الله ينصرك الله ويؤيدك الله ويحفظك الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله. إذا بغيتي تسأل مسؤول إلا الله سبحانه وتعالى، الأمور اللي ما تقدر عليها إلا الله، ما تطلبها إلا من الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا تطلب العون في الأمور اللي ما تقدر عليها الله، ما تطلبها إلا من الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خاصك تعرف يقين، قطع الياس وكون عندك يقين بأنه أمة كلها الجن ديالها والإنس ديالها يجتمعوا باش يعطيوك شي حاجة ما بغالك الله ما يمكنش تكون، ويجتمعوا كلهم باش يضروك بشي حاجه وداك الضرر ما بغالك الله سبحانه وتعالى عمرو يكون صافي. هذا الشيء داكشي اللي غادي يكون لك، وداكشي كلشي في اللوح المسطور، مسطر في اللوح المحفوظ. ما عليك الا ان تخلص عبادتك لله، وان تلتجئ الى الله، وان يكون عندك يقين صادق على الله سبحانه وتعالى وعلى وعد الله سبحانه وتعالى، وعلى ان الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الناصر وهو المؤيد، وأنه لن يصلك شيء ضر لم يرده الله لك. دونك سي aussi notre prophète عليه الصلاة والسلام qui éduque ses compagnons sur la sincérité. Comme la sincérité est très importante, il éduquait les enfants. Abdullah ibn Abbas était jeune garçon encore, et Rasoul صلى الله عليه وسلم nous dit ya ghulam, maintenant si on veut nous éduquer nos enfants, on dit non, ils ont trop d'exercices. Ils n'ont pas de place pour le monothéisme, pour l'apprentissage du Coran. Il y a les exercices du mat, il y a les exercices. Et après on s'étonne, il patauge dans tous les sens. Regardez le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec ce petit garçon. Il lui dit, ya ghulam, je vais t'apprendre quelques mots. Préserve Allah et Allah il te préservera. Ça veut dire quoi? Préserve les droits d'Allah. Préserve les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplis ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Allah il te protégera. Allah il te fera triompher. Allah il t'aidera, Allah il t'accomplira, Allah il te sauvera de toutes les situations. Il te sortira de toute impasse. Et il lui dit aussi, préserve les droits d'Allah, tu le trouveras. C'est-à-dire, tu trouves Allah comment? C'est-à-dire, si tu préserves les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu lèves les mains, tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah il t'accomplit. C'est-à-dire, il ne va pas être à côté de toi, non, loin de là. Mais il va t'aider. Il va te faciliter les situations, il va te sortir des impasses, il va te donner des issues. Il va te donner, hein, t'orienter vers ce qui va faire le bien de ta vie et le bien de ton au-delà. Et quand tu demandes, demande à Allah. C'est-à-dire quand tu demandes des choses qui ne sont que du domaine d'Allah, Azzawajal, demande-les qu'à Allah. Et quand tu cherches aide, cherche-la auprès d'Allah. Surtout, dans les choses que ne peuvent pas faire les humains, tu les demandes l'aide à Allah Azza wa Jal pour ces choses. Et tu les demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache, et ceci est très important, et sache que si la communauté se réunissent tous, du début jusqu'à la fin, pour te faire un mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas prédestiné, ils ne pourront pas t'atteindre avec ce mal. Et sache, si la communauté entière se réunissent pour te combler d'un bien que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas destiné, tu ne l'auras pas. Les manuscrits sont fermés et l'encre est asséchée. Ça veut dire que tout est écrit dans le destin, dans le manuscrit protégé sur Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il nous reste? D'accomplir notre monothéisme, de parfaire, de faire les actes sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'être sincère et véridique avec Allah et d'avoir la certitude sur Allah Azza wa Jal et sur les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la certitude sur la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Et d'accomplir notre devoir et d'accomplir notre religion comme il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et le reste, Allah subhanahu wa ta'ala s'en charge. Wa qala alayhi salatu wa salam innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل غادي يكون الجزاء ديالو على حسب النية ديالو. إلا كان العمل لله فالجزاء غادي يكون حساب، وإلا كان العمل لله ولشي حد آخر مشى. إلا كان العمل شي حد آخر غير لله تمر كل هذا. فهذا يدلك على ماذا؟ على إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, certes les actes ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire, et chaque être humain aura par rapport la récompense par rapport à l'intention qu'il a dans son cœur. Ça veut dire que si l'acte il est fait pour Allah sincèrement, il va te ramener la bonne récompense, min Allah azza wa jal. Et si l'acte il est fait pour Allah et pour quelqu'un d'autre et pour l'ostentation, ben cet acte il est foutu. Il ramène rien du tout. Et si l'acte il est fait tout simplement pour quelqu'un d'autre et non pas pour Allah, ben là c'est encore la grande cata. Donc nos actes doivent être faits sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse avoir la récompense qui en découle. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الله لا ينظر إلى أجسام الله ما تشوف لك الصحة ديالك كي دايرة واللباس ديالك واش زين ولا ما زين والتصويرة ديالك كي دايرة والو ولكن تشوف القلب ديالك باش عامر والأعمال ديالك لا يكفي القلب فقط لابد من العمل لأن العمل تيصدق داكشي اللي في الداخل شو يقول لك أنا قلبي راه نقي قلبه نقي وقال لك ما تيش لله قال لك القلب نظيف كيفاش غادي يكون نظيف هذا القلب ما يمكنش أبدا ما يمكنش ها يقول لك أنا والو في القلب راه نقي صافي إذا كان صافي خاصو يكون خاصو يظهر هذاك الصفاء على الأركان على الجوارح ها فيكون ذاكر لله يكون يقرأ القرآن يكون يسجد لله يكون يقوم بأعمال الخير لأن كما قالوا ما وقر في القلب وصدقه العمل الإيمان ذاك الشيء اللي وقر في القلب وصدقه العمل لا بد من عمل تصدق ذاك الشيء اللي في القلب donc il est dit dans notre hadith Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos corps si vous êtes fort là ni vos images loin de là Mais il regarde vos cœurs et vos actes. Pas tout simplement les cœurs. Les cœurs et les actes. Parce que, comme on dit plus d'un parmi les plusieurs dans l'âme, la foi, c'est ce qui est instauré dans le cœur et ancré dans le cœur, mais qu'on prouve les actes. Parce que certains disent, moi, mon cœur, il est pur, il est propre. Il est pur et tu ne te prosternes pas pour Allah. Il est pur et tu ne te soumets pas à Allah. Il est pur et que tu ne suives pas ton prophète, alayhi salatu wasalam. Comment il est pur, ce cœur ? Ce cœur, s'il était pur, tu serais soumis à Allah. S'il était pur, tu suis ton prophète, alayhi salatu wasalam. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas pur comme tu le dis. Parce que le cœur pur, ça se prouve avec quoi ? Avec des actes. Et en mettant en application les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en suivant dans tout ça, le prophète, alayhi salatu wasalam. فالإخلاص وآخر الإسلام سر النجاح في الدنيا وفي الآخرة كذلك وأول من تصعر بهم النار يوم القيامة هم المراؤون الذين توجهوا بأعمالهم لغير الله عز وجل الإخلاص ينجيك في الدنيا يا عبد الله والإخلاص ينجيك في الآخرة وأول من تصعر بهم النار وتتشعل بهم العافية ديال جهنم داك اللي تيرى تيدير الاعمال ديالو على قبل الناس جا في الحديث ثلاثه كلهم الاعمال ديالهم من احسن الاعمال في هذه الامه عالم تعلم وعلم مجاهد جاهد في سبيل الله ومات راجل اعطاه الله سبحانه وتعالى المال وكان تينفقه في طرق الخير وهما ثلاثه هما الاولين تبدا بهم جهنم علاش لان هذاك اللي علم وتعلم عالم كان تيعلم وتعلم داروا للناس باش يقولوا هاد الفنان راه تيعرف يقرا تيعرف يقري تيعرف يتكلم فمشى ليه العمل ديالو فامر به فالقي في جهنم هذاك اللي كان تيدفع الفلوس باش يبنيوا المساجد والايتام وكذا كان تيدير داك الشيء باش يقولوا الناس هذا الرجل جواد هذا الرجل كريم هذا كذا كذا باش يمدحوا الناس فكذلك التهوى مشى فامر به الى جهنم هذاك خرج حتى قتل مات في سبيل الله في الحرب ومع ذلك ذاك الشيء داروا باش يقولوا الناس هذا راه صحيح هذا راه شجاع هذا ما تيخاف والو ومن اللي كان العمل ديالو هكا امر به فالقي في نار جهنم من اكبر الاعمال في الاسلام جهاد في سبيل الله العلم ورثه الانبياء ارث الانبياء ها والنفقه في سبيل الله هذه من أحسن الأعمال في الإسلام، ومع ذلك لم تفعل لله عز وجل ولا كانت خالصة لله، فكان أن عوقب الإنسان بنار جهنم. وهنا الله عز وجل سنسيغيتي aussi c'est le secret de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans le bas monde et dans l'au-delà. Il est rapporté dans le hadith authentique, trois personnes ont accompli les meilleures œuvres dans l'islam. Ce sont les premiers avec lesquels va commencer le feu de l'enfer. Un homme de science qui a appris la science et qui l'a enseigné. Un combattant sur le sentier d'Allah. Un mujahid sur le sentier d'Allah. Il y a un homme qui avait la fortune, il a dépensé sur tous les chemins du bien. Et ce sera les trois premiers avec lesquels le feu va commencer. Pourquoi ? Parce que ces trois personnes-là, l'autre, il a propagé la science, il a appris, il a propagé pour que les gens disent qu'il sait, que c'est un homme qui sait, c'est un homme qui a la sagesse, etc. Et c'est de l'ostentation. C'est pour ça que ses actes sont partis, comme si rien n'était. L'autre, il a dépensé, il n'a pas laissé la construction d'une mosquée, la construction d'un orphelinat, s'occuper des orphelins, etc. Et il l'a fait pour que les gens disent qu'il est généreux, et ses actes sont partis en vain. Et l'autre a été sur le sentier, il n'a pas laissé une bataille, un brave et courageux dans les batailles, mais il a été fait, tout ça il l'a fait pour que les gens le prennent en considération, comme quoi il est fort, comme quoi il est courageux, comme quoi il craint rien. Et ça a été la même chose. L'ostentation est rentrée dedans et ses actes sont partis. Hein? Et c'est les trois personnes avec lesquelles le feu va commencer à se consumer dans le feu de l'enfer. Et la sincérité te sauve. Comme les gens dans la grotte, ils ont été sauvés avec quoi ? Avec la sincérité. Et pour le delà, pour être sauvé, c'est aussi la sincérité. ترى أن الإخلاص خلص أولئك من الغار بماذا؟ بإخلاصهم العمل لله سبحانه وتعالى ففرج الله عنهم وهؤلاء رأوا في أعمالهم فكانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فالسلاح الثاني للتحصل من الشيطان العبودية لله أن تكون عبدا ربانيا أن تكون عبدا لله لا تكون عبد للهوى ولا لنفسك فإبليس عندما طرد من الجنة قال لأغوينهم أجمعين فرد الله عز وجل عليه وأخبر بأن له عبادا لا يستطيع إبليس أن يصل إليهم أبدا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا فإذا دخلت تحت هذه الآية وكنت عبدا لله لن يصل إليك إبليس بإذن الله إذا حققت العبودية لله وكنت عبدا لله حقا عصمك الله من إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي العباد ديولي لحقوا العبودية لله هادو ما يمكنش إبليس يدوز لهم فالعبودية تحصنك من الشيطان تحفظك من الشيطان aussi frère en Allah عز وجل la deuxième arme pour se protéger d'Iblis c'est le fait que tu sois un adorateur d'Allah quelqu'un qui est soumis à Allah عز وجل qui est serviteur d'Allah que tu deviens un serviteur à ton créateur Iblis, quand il a été chassé du paradis, il a dit, je vais tous les égarer. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait une réfutation, lui a répliqué. Il lui a dit, j'ai des serviteurs, tu ne peux rien pour eux. Il y a des serviteurs, tu ne pourras rien pour eux. Il dit, mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Alors, rentre dans ce verset, frère en Allah, azza wa jal. Sois un serviteur d'Allah. Sois insoumis réellement à Allah Azza wa Jal. Adore Allah Azza wa Jal et accomplis tes adorations pour Allah et Shaitan il n'arrivera pas. Tu seras protégé min Allah. C'est une arme fatale aussi contre l'égarement de Shaitan. Fama hiya hadhihi al-ibada. إذا كانت العبودية تحفظنا من الشيطان ما هي العبادة؟ Donc c'est العبودية nous protège من الشيطان. Donc c'est quoi l'adoration? C'est quoi العبادة؟ العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة. أنها العبادة تجمع كل كلام وكل فعل باين ولا مخفي، كلام القلب ولا عمل القلب ولا كلام اللسان ولا عمل الجوارح ولا عمل القلب كذلك، أي حاجة باينة ولا مخفية تحب الله فهذه عبادة. والضد ديالها شنا؟ كل عمل يسخط الله ويجلب غضب الله فليس بعبادة. اجتناب النميمة عبادة لأنه يرضي الله. الوقوع في النميمة ليس بعبادة، يوقع في غضب الله. الذهاب إلى الكهنة يغضب الله. أن تخلص عبادتك لله وأن ترقي نفسك بالقرآن وأن تدعو الله عبادة يحبه الله ويرضاه. وهكذا العبادة أركانها الأركان الخمس وأعظمها التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي الأركان. ولكن هذه الأركان علاش بيقوم هذاك البني؟ وانت إلى صيبتي الساس ديال الدار غادي تسكن؟ خاصك الحيوطة، خاصك السقف، خاصك الفراش، خاصك الماء، خاصك الضوء. فالعبادة كذلك مثلها كذلك، عندك الأركان الخمسة الشهادتين لا بد لك منهم، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، عاد زيد الأخلاق مع الناس، المعاملات مع الناس، عدم التعامل بالربا، عدم إتيان الكهنة، إماطة الأذى عن الطريق، كف الأذى عن الناس، كل هذا من العبادة. كل عمل تحب الله إلا وهو عبادة، كل كلمة يحب الله إلا وهي عبادة. هذه العبادة، هذا المفهوم ديالها العام. دونك puisque l'adoration nous sauve et le fait d'être soumis à Allah سبحانه وتعالى nous sauve, c'est quoi l'adoration? L'adoration, comme l'a défini Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il a donné cette définition complète. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah سبحانه وتعالى aime et agrée, au niveau des paroles et au niveau des actes. Au niveau des paroles et actes apparents et cachés. Qu'est-ce qu'il veut dire par apparents et cachés? C'est-à-dire les actes, les paroles que tu dis comme ça devant tout le monde, les paroles de ton cœur, les actes que tu fais avec tes mains, les actes de ton cœur, etc. Donc toutes choses apparentes et cachées que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est une adoration. Et toutes choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas, ce n'est pas une adoration. Cela veut dire que le fait de médiser, Allah il le déteste, ce n'est pas une adoration. Le fait de calomnier et de colporter, Allah ne l'aime pas, donc ce n'est pas une adoration. Le fait de réconcilier deux personnes, ça c'est un acte que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, donc c'est un acte d'adoration. Et ainsi de suite. Le fait de voler, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, donc ce n'est pas un acte d'adoration. Le fait d'aller chez les devins, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Donc ce n'est pas un acte d'adoration. Le fait de faire dua et d'invoquer Allah, c'est un acte que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc c'est un acte d'adoration. Et les adorations, bien sûr, il y a des piliers de cette adoration, qui sont les cinq piliers de l'islam, l'attestation de foi, et les autres quatre autres piliers. Mais ça, ce sont les piliers sur lesquels on va construire cet édifice de l'adoration. Le fait de sourire à ton frère, c'est un acte d'adoration. Le fait d'enlever le mal sur le chemin est un acte d'adoration. Le fait d'aider quelqu'un à monter sur sa monture ou à charger sa voiture haute, c'est un acte d'adoration. Le fait de faire du mal à quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas et ne l'agrée pas, ce n'est pas un acte d'adoration. Le fait de gêner son voisin et de déranger son voisin, Allah ne l'aime pas, donc ce n'est pas un acte d'adoration. Le fait de respecter son voisin et de s'acquitter des droits de son voisin, c'est un acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'agrée. Donc l'adoration, c'est beaucoup plus Les cinq piliers, ce sont les piliers de l'adoration. Mais il y a tout le reste qui rentre dans, dans l'adoration. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré. Wal ibadatu aqsam akhal islam. Qismu al-awwal ibada badaniya. Ibada taf'aluha bi jismik. Kassala, wassiyam, walhajj waljihad. Ibadat aqsam. Qism tadjilu bil badan diyalk. Ibadatu badaniya. الصلاة بالحركات ديالها بالجسم ديالك، الصيام تتمنع الجوارح ديالك ها من الأكل ومن الشرب ومن السماع ديال الفواحش ها ومن النظر إلى ما حرم الله وكذا. كذلك الحج، الحج تطلب منك ها جهد بالبدن ديالك، جهد قوي ها. كذلك الجهاد، جهد ديال النفس ها في سبيل الله عز وجل. فهذا قسم من العبادات. القسم الثاني عبادة قلبية، وهي الخوف. خوف، الخوف اللي هو خوف العبادة، انه كاين خوف طبيعي ما فيش خوف العبادة، هذا يجب ان يكون لله، فهذه عبادة. الرجاء، ترجاء، ها الرجاء عبادة، فيكون رجاؤك في الله عز وجل. المحبة، ان تحب لله وان تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة بلاصتها في القلب، فهذه عبادة قلبية. الإنابة، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من قلبك، فهذه كذلك عبادة قلبية. توكل على الله من أنت بدأت يبدأ من القلب ديالك، فهذه كذلك عبادة، فهذه العبادات القلبية. وتأتي القسم الثالث، العبادات المالية، كالذبح، تشري الذبيحة وتذبحها لله وباسم الله ولله. كذلك ملي تتنذر، نذر من النذور باش تطعام، باش تنفق، باش كذا، فكذلك هذه عبادة مالية. الزكاة عبادة مالية، الصدقة عبادة مالية. ويجي القسم الرابع، العبادات القولية، اللي هي من باب عبادات ولكن من باب القول، الدعاء، الحلف بالله، قراءة القرآن، الاستعانة بالله ها. والعبد الحقيقي هو اللي تيعرف بأنه أي حاجة نزلت به ما يكشفها من عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، يزيد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كي يفرج الله سبحانه وتعالى. هذا دعاء المكروب ها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Donc, فهم الله عز وجل، l'adoration c'est plusieurs catégories. Les divisions plusieurs parties. L'adoration du corps, qu'on fait avec nos corps. La prière, le fait de faire les genuflexions, l'inclinaison, etc. Tout ça, c'est, tu le fais avec ton corps, avec tes membres que l'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Le jeûne, le fait que tu t'abstiennes de boire et de manger, le fait que tu t'abstiennes d'entendre ce que l'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, de regarder ce que l'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Le fait de faire son pèlerinage, le pèlerinage, il y a une partie que tu fais avec l'argent pour y aller. Il y a aussi une partie que tu fais avec ton corps. Tous les rites, hein, tu les fais avec ton corps. Tawaf, sa'i, etc. C'est une adoration du corps. Ce sont des actes que tu fais avec ton corps. Le combat sur le centre de l'Allah, dans la bataille, la même chose, il se fait avec le corps. Hein, c'est l'adoration au niveau du corps. L'adoration au niveau du cœur, c'est le fait d'avoir peur. La peur adoration. Parce que tu peux avoir peur, la peur naturelle, avoir peur du serpent, avoir peur du feu, autre chose, voilà, c'est naturel. Mais la peur adoration, c'est là une éducation à Allah, Azzawajal. C'est une adoration. Hein? L'espoir, avoir espoir en Allah, Azzawajal, on la récompense en Allah, Azzawajal. L'espoir, c'est un acte d'adoration, c'est un acte du cœur. Revenir vers Allah, c'est un acte qui commence dans le cœur. Donc c'est un acte d'adoration que tu dois faire pour Allah Azza wa Jal. Faire confiance en Allah Azza wa Jal, ça commence dans le cœur, c'est un acte d'adoration, c'est un acte d'adoration du cœur. Donc il y a des actes qui sont pour le corps, au niveau de l'adoration, il y a des actes qui sont pour le cœur, il y a des actes aussi qu'on fait avec l'argent. L'adoration qui se fait au niveau de l'argent. Le fait d'égorger pour Allah, tu achètes la bête, tu la gorges au nom d'Allah et pour Allah. Tu l'as payé avec l'argent. Aussi le fait que tu dis, tu fais un vœu, si Allah me donne ceci ou là c'est mon malade guéri, ben je vais égorger pour Allah ou là je vais donner tant d'argent pour les pauvres. C'est aussi ton acquitte avec quoi? Avec l'argent. C'est un acte d'adoration que tu accomplis avec de l'argent. Donc c'est une adoration qui se fait au niveau de l'argent. Le fait de donner la charité, il se fait avec de l'argent. Donc il y a une adoration qui se fait au niveau de l'argent. Le fait de s'acquitter de la zakat et de toute forme de charité, il se fait avec l'argent. Donc l'adoration, il y a 10 niveaux. Hein? Il est divisé. Corps, cœur, argent. Et parole aussi. L'adoration avec les paroles. Comme le fait de faire dua, le fait de lire le Coran, le fait de chercher aide auprès d'Allah Azza wa Jal, de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur véridique d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui sait que toute chose qu'il a touchée, toute catastrophe qui lui est arrivée, ne peut l'en débarrasser et l'en guérir qu'Allah Azza wa Jal. Hein? Quand un mal, il est dit dans le verset, quand un mal, quand Allah subhanahu wa ta'ala te veut un mal, personne ne peut t'en délivrer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te veut un bien, personne ne peut te l'enlever. نقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاء